les origines du totalitarisme dont on continuera à parler demain. On se quitte comme on a commencé avec 1984, Eurythmics Sex Crime, qui aurait dû être la chanson du film réalisé en 1984. Sur les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de philosophie, mais à petite échelle. Une philosophie locale est-elle possible ? Avoir l'attention portée par les sciences humaines aux territoires régionaux et aux identités locales, on est tenté de voir ce qui se passe du côté de la philosophie. Dire qu'il ne s'y passe pas grand-chose serait faux, il est bien question de philosophie régionale quand on parle d'aires culturelles telles que l'Asie par exemple. La philosophie régionale concerne ainsi de grandes régions du monde et se distingue d'une philosophie mondiale où un concept pourrait être opérant dans n'importe quel pays, mais qu'en est-il d'une philosophie à échelle régionale telle qu'on l'entend quand on parle de la Bretagne ou du nord de la France ? Qu'en est-il aussi d'une philosophie du village, du terroir, des territoires ? Est-elle possible ? Tu sais, c'est avec ce camion que je pars partout dans le monde. T'es partante ? Je suis toujours partante si on va vers des paysages simples, vers des villages, vers des visages. Les gens y entrent à l'arrière, comme dans un photomaton, et la photo sort dans les 5 secondes sur le côté, en grand format. Un facteur, c'est important dans le village. On y va, on part par là-bas ! J'y réponds à ce que je souhaite le plus. Les visages que je rencontre, les photographies, pour qu'ils ne tombent pas aussitôt dans les trous de ma mémoire. Depuis quelques années, on entend parler de terroir, de circuit court et de local. Cette tendance s'inscrit dans le souci de l'urgence climatique et dans une réaction contre la mondialisation qui entraîne inégalités et disparités entre les territoires. On achète donc frais et local, on réduit nos déplacements, on s'inquiète des déserts médicaux et de l'abandon des petites villes et on adore Visage Village, le documentaire d'Agnès Varda et Gère sorti en 2017. De manière générale, ce qui semblait un peu daté ou appartenir à une frange réac est devenu un objet de préoccupation sociale et politique globale. Et même, à certains égards, une mode. Les sciences humaines, à cet égard, ne sont pas en reste. Pour prendre deux paritions récentes, on peut citer par exemple Nos petites patries d'Olivier Grenouillot et Nos villages de Jean-Pierre Rioux, deux livres d'histoire qui se penchent sur les identités régionales et les campagnes. Il faut le dire, c'est d'ailleurs plutôt l'histoire et la géographie qui dominent cette échelle locale, histoire de villages en particulier, évolution de zones culturelles faites d'usages, d'accents et de mouvements. Ces disciplines permettent de se focaliser sur des lieux et de sortir de l'abstraction globale. Partant de là, la philosophie, usant de concepts à valeur universelle, peut-elle se coller au local ? Que pourrait-elle montrer de ses particularités sans sortir de sa portée généralisatrice ? Quand on a voulu s'installer en France, on vivait en Californie, on a souhaité changer de vie à un moment donné. On a eu l'impression de s'offrir un grand luxe quoi, avec ce village. Et on l'a vu comme un village, c'était ce qu'on recherchait, c'était le rêve. Il y a eu le rêve américain, si on peut l'appeler. Après, c'était le rêve du village. Moi, je rêvais plus que d'aller acheter du pain à la boulangerie, que ce soit tout proche. Et quand on est arrivé, il y avait tout. Si pour Karine, il y a un rêve cadenassien, pour d'autres, la pilule est plus amère et cela tourne au mauvais rêve. En 2012, le sociologue Jean-Pierre Le Goff faisait paraître son livre « La fin du village ». Ce documentaire en est l'adaptation. Loin de l'approche sociologique habituelle faite de statistiques et de questionnaires, il décide d'y mêler souvenirs, discussions avec les habitants, habitudes et expériences de ce village de cadenet. Une sorte de micro-sociologie sur le terrain. Après la première difficulté pour une philosophie locale d'articuler particularité et universalité, une deuxième difficulté pourrait être celle du terrain. Un concept doit-il et peut-il s'éprouver sur le terrain ? Comment envisager une micro-philosophie, une pensée où des concepts sont usés, confrontés sur de petites échelles ? Si une philosophie par grande région est possible, en fonction des langues et cultures, pourquoi ne pas le faire pour de plus petites régions ? Ça n'aurait peut-être pas trop de sens de distinguer la question du bonheur par région, mais ça serait particulièrement opérant pour des concepts politiques comme l'autorité ou la famille par exemple. Mais il faut encore distinguer une chose, faire de la philosophie par région, et faire de la philosophie sur la région. On a par exemple le philosophe Thierry Pacaud, spécialiste de la ville, et plus largement, on trouve des réflexions sur le lieu chez Aristote Heidegger. À quand alors une pensée du village comme lieu qui n'est ni urbain ni naturel, symbole de l'authentique et pourtant chargé de clichés ? Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, Elsa Le Saulnier, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Thomas Bock réalise cette semaine. Aujourd'hui à la prise de son, c'était Morgane Danan. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur les origines du totalitarisme d'Anna Arendt. Demain, nous serons en compagnie de Vincent Lefebvre. On se demandera qui les droits de l'homme protègent-ils vraiment à la suite d'Arendt, puisque c'est la fin du chapitre sur l'impérialisme dont nous avons parlé aujourd'hui. J'en profite pour annoncer l'hommage à Étienne Tassin, le philosophe disparu en janvier 2018 à l'Université Paris Diderot à Paris les 16, 17 et 18 mai prochains. Ce sera autour de l'exercice politique de la pensée, on y parlera d'Anna Arendt évidemment, et tout un programme de conférences qui sera introduit par vous, Martine Lebovici, qui est avec nous aujourd'hui pour cette émission sur Anna Arendt. À demain 10h, d'ici là vous pouvez réécouter l'émission sur le site de France Culture ou bien la télécharger, la podcaster et nous poser des questions sur les réseaux sociaux.